On dit beaucoup. Beaucoup. Quel a été le rôle de Jacques, fils de Zébédée, dans les 12 apôtres? C'est un emmerdeur. A-t-il bu dans la même coupe que le Christ et a-t-il été baptisé du même baptême? Bon, oui, il a été baptisé du même baptême. Par contre, Zébédée est un problème. De lignée familiale aussi. Et la majorité des apôtres étaient des personnages. Tous les apôtres étaient assez différents les uns des autres. Certains des apôtres, dont Jacques, avaient un petit peu d'animosité pour autrui, pour les autres apôtres. Maintenant, ce qu'il faut qu'on comprenne aussi, c'est qu'un personnage dans ce genre qui se réincarnerait aujourd'hui ne serait pas nécessairement comme les mémoires l'ont été dans le passé. C'est un des mystères, bien souvent, pour les égos qui reçoivent des mécanismes mémoriels réincarnationnels, c'est qu'à un moment donné, ils sentent qu'ils vont revivre un peu ce que les mémoires ont déjà vécu, ou les personnages, alors que dans 5% des cas, c'est faux. Ils revivent pas. Lorsqu'il y a expression créative qui passe par nous, comment discerner si elle vient, cette expression, du désordre astral, hasardeux ou de l'intelligence? Le goûter. PS. De toute façon, c'est l'intelligence qui contrôle l'astral. Bon, c'est ça. Est-ce que les protons voyagent? Oui, les protons voyagent. Si un proton est divisé, est-ce que son énergie l'est aussi? Absolument. Rien ne se perd, rien ne se crée. Est-ce qu'il y a plusieurs chemins possibles pour arriver à ton avis? Vu que le ton est souligné, oui, il n'y en a qu'un, le mien. Dans un avenir similaire, vous serez tous assis des chaises différentes. Ah, voilà. Il y en a autant que d'individus qui vont y arriver. L'homme peut-il orienter son désordre dans la direction de l'ordre? Non, le désordre, ce n'est pas orientable. On oriente l'ordre. Chaque fois que l'on crée de l'ordre, on engendre du désordre. Le désordre n'est pas orientable. Par contre, on doit s'arranger pour être en plein centre de l'ordre. Il y aura effectivement toujours des mécaniques désordonnées autour, des individus désordonnés, des événements désordonnés, des sociétés désordonnées, tout le temps, toujours. On doit s'entourer d'ordre et s'arranger. Le phénomène de l'ordre est un phénomène pyramidal, comme l'est d'ailleurs l'évolution. Celui qui n'est plus ordonné doit s'arranger pour être entouré de ceux qui sont un peu moins ordonnés que lui. Et il délègue. Tous ceux qui sont un peu moins ordonnés doivent s'arranger pour être entourés de particules un peu plus désordonnées. Et ils délèguent. Et cela, cette mécanique, elle fonctionne jusqu'au bas de la pyramide. La problématique, c'est qu'il y a des personnages qui sont manipulés par des facteurs astralisés qui leur donnent l'illusion qu'ils ont la possibilité d'atteindre des sommets qu'ils n'ont pas. Des personnages qui ont des illusions, qu'ils ont la possibilité de devenir quelque chose comme quelqu'un d'autre, ou de devenir quelqu'un d'autre. Si vous êtes le deuxième, si vous êtes le troisième ou le quatrième, vous ne serez jamais rien d'autre que le deuxième, troisième ou quatrième. À l'étape actuelle des choses, les paramètres, dans la majorité des cas, sont déjà définis. Tous ceux qui sont deuxièmes, vous resterez deuxième par rapport au premier. Tous ceux qui sont troisièmes, vous resterez troisième par rapport au deuxième. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que travaillez comme vous voudrez. Dans l'échelle de la conscientisation, comme dans la majorité des échelons sociaux, ça ne changera rien votre sort. Sauf si vous êtes troisième, pauvre. Il y a un deuxième en haut de vous, un petit peu plus riche. Puis il y a un premier en haut de vous, encore plus riche. Quand je parle de richesse et de richesse énergétique. Je parle sur tous les niveaux. Pas simplement au niveau de la structure financière. Si vous êtes troisième et que vous visez l'étape d'être deuxième, perdez votre temps. Ça ne marchera jamais. Vous allez toujours rester troisième par rapport aux deux et au premier. Mais vous pouvez augmenter votre compte en banque, augmenter votre santé, augmenter tout ce que vous avez. Et pour ce faire, vous devrez permettre à celui qui est deuxième et à celui qui est premier d'augmenter leur avant vous. Parce que vous resterez troisième. Et c'est une organisation d'ordre, le désordre va à l'extérieur, mais c'est un des mécaniques, une des mécaniques les plus difficiles à accepter par l'ego. L'homme est dans une région particulière de l'évolution où il a une fonction à accomplir. On ne choisit pas sa fonction, on ne choisit rien de cela. On peut choisir d'être en Cadillac, mais vous ne pouvez pas être plus haut énergétiquement que celui qui est énergétiquement plus haut que vous. Si vous voulez augmenter votre potentiel énergétique, augmentez le sien. S'il y en a un qui reste au dernier étage de la bâtisse et vous restez au troisième étage de la bâtisse, quand ça va vous tenter de rester au cinquième étage, construisez-en deux autres en haut. Celui qui est au quatrième déménagera à l'autre, au sixième. Celui qui est au cinquième déménagera au septième et vous pourrez déménager au cinquième. Et vous serez toujours de deux étages en bas, du plus haut. Mais plus haut que ceux qui s'immiscent dans l'échelle de la complexité, de l'organisation ou de l'évolution. Dans la conscientisation, c'est la même chose. Si vous êtes les premiers à être capable de supporter des impressions supramentales, nécessairement, ceux qui vont arriver après vous ne passeront pas avant vous. Ils feront ce qu'ils voudront. S'ils veulent grimper, ils devront vous faire grimper. C'est plaisant vu de ce point de vue. Mais le point de vue doit aussi changer, la mécanique restant la même. Si vous voulez monter, ceux qui sont passés avant vous, vous devrez les faire monter. Un taquinement astral avant d'arriver ici me disait, si chaque fois que les gens rentrent ici, ils paient leur conférence et donnent tous 10$ à Mario Gosselin. Alors, il y a quoi? Il y a 700$ que Mario Gosselin aurait mis sur une table. Et à la fin de la journée, on le fait tirer. Toutes les conférences spéciales. Il y a donc chaque fois une personne qui va partir d'ici avec 700 à 1000$. Et les autres individus vont dire, oui, mais avant que j'aille le 700 ou le 1000$, ça va peut-être que je vais être le 70e ou le 100e à gagner. Autrement dit, ça m'aura coûté 100 000$ pour gagner 1000$. Oui, c'est exact. La quantité d'énergie ne pourra pas changer si on ne va pas la chercher dehors. Si on la prend à l'intérieur de notre propre structure, elle restera la même. La tarte, elle a une grosseur. Mais il y a une nuance. Au lieu que chacun ait un petit peu plus ou un petit peu moins, il y en aura un par mois qui va avoir beaucoup plus que ce qu'il y avait avant de rentrer ici. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Ça le regarde. Mais c'est très intéressant. Parce que ça peut changer toute la structure de l'implication évolutive de beaucoup d'individus sans altérer l'implication évolutive ou financière des autres. C'est 10$ par mois que vous allez perdre, jusqu'à temps que vous le regagniez. Ça n'appauvrit pas personne, ça n'enrichit un autre. Si on met 20, si on met 30 par mois, bien, il y en a un qui va s'en aller avec 2000$, 2500$, 3000$. La problématique, encore une fois, c'est qu'est-ce que les égos sont capables de supporter une structure où l'énergie financière, ou l'énergie tout court, est régie par de l'intelligence. Ça serait intelligent. Mais ce n'est pas, dans la majorité des cas, le cas. Alors, on ne peut pas organiser le désordre, on organise l'ordre. Organisant l'ordre, on engendre le désordre. Et si on comprend la mécanique, que je n'explique pas là, mais à un moment donné, je vais revenir sur cette mécanique. Si on comprend la mécanique convenablement, on va être capable de régir. Et une fois qu'on aura compris qu'on pourra régir, il faudra appliquer. L'une des applications évidentes de la chose aurait été comme ce que je viens de vous expliquer. En entrant, on met tant d'argent, tout le monde. C'est de l'investissement. À un moment donné, vous allez recevoir 2 ou 3 000$. Je vais dire oui, mais je t'ai monté 2-3 000 $ pendant 2 ans pour le recevoir. Je vais dire oui, mais sache que tu ne l'aurais pas. Vous l'auriez dépensé d'autres choses. Vous ne l'auriez pas. Mais subitement, paf! Et vous l'avez. Et ça commencerait immédiatement. Il y en a un aujourd'hui qui partirait avec ça. Très simplement. En argent liquide. Non déclaré. C'est une gestion synergique. Et là, l'ego va dire, oui, mais celui qui a gagné, c'est à un moment donné, il décide qu'il ne met plus. Parce qu'il a gagné, mais il faut faire qu'il le remette. Ben, c'est ça. Si on est encore des humains assez animaux pour cela, la structure marche mal. Pourquoi? Parce que dans l'ordre qu'on veut instaurer, on accepte encore du désordre. Et à un moment donné, ben, quand on aura suffisamment orchestré l'ordre pour que le désordre s'en aille dehors, vous allez voir le champignon qui va monter. Énergétiquement limité dans une hiérarchie, l'intelligence peut-elle faire qu'un troisième change de hiérarchie pour être troisième dans une autre plus énergétique? Cosmiquement, celui qui change de hiérarchie pour embarquer dans une autre plus énergétique est normalement déjà à son niveau. Celui qui est troisième restera troisième. Effectivement, il peut être dans une autre hiérarchie plus énergétique, mais il restera troisième. L'individu se découvre dans sa hiérarchie. Mais tous les autres se découvrent en même temps que lui. C'est pourquoi un individu qui est dans un degré hiérarchique ne monte jamais de degré hiérarchique. Par contre, le désordre s'accumulant sous lui va s'organiser au fur et à mesure de l'écoulement du temps. Cela fait en sorte que la pyramide tend à grossir par la base et à monter par le sommet. Par rapport à ce qui est en haut, vous ne changerez pas. Par rapport à ce qui est en bas, vous changerez. C'est comme cela que ça fonctionne. Alors l'individu doit s'arranger pour améliorer sa condition et non pas pour vouloir conquérir le domaine de ceux qui apparemment sont mieux. Ça ne sert à rien. Celui qui, par exemple, n'a pas d'automobile, ses voisins en ont. Dans 10 ans, il peut être millionnaire. Ce qu'il a toujours été millionnaire, il a toujours été au-dessus des voisins. C'est pas son argent qui faisait que. Mais s'il buvait, s'il foutait rien, s'il y a de la misère à parler, s'il n'était pas instruit, si, etc., il ne sera jamais plus riche que les voisins. Mais s'il y avait tout, sauf la finance, par exemple, d'argent, son niveau n'est pas déterminé par ce qu'il a, son niveau est déterminé par l'énergie que dégage l'individu. Et son énergie, elle est dans une hiérarchie. Elle va croître en fonction de la croissance de la hiérarchie. La hiérarchie elle-même peut être une hiérarchie locale qui fait partie d'une hiérarchie plus grande. Et c'est la même chose. Elle restera au niveau déterminé en fonction de ce qui est déterminé à partir de la tête. Pour augmenter, pour que la petite hiérarchie augmente dans la grande hiérarchie, on doit s'arranger pour que ce qui est en haut de nous, dans la grande hiérarchie, augmente. Plus les pauvres ont rendu les riches riches, plus les pauvres sont devenus riches. Mais ils ont toujours été aussi pauvres par rapport aux riches. Nos pauvres dans notre société sont pauvres en maudit, c'est des pauvres. Ils écoutent la télévision, ils ont peut-être un micro-ondes, ils ont toute une vidéo, ils font leur épicerie. Puis si on compare ces pauvres-là aux pauvres du tiers-monde, ah ben ils sont riches. Mais comparativement au degré où ils sont présentement, ils s'enrichissent comparativement aux pauvres du tiers-monde, mais il faut que la société devienne plus riche aussi. Si la tête s'appauvrit, les pauvres vont s'appauvrir. L'individu peut, par son orgueil, par l'astral, essayer de changer de plan. Mais il sera toujours reconnu. Vous pouvez acter d'être d'un autre niveau, mais on vous refusera toujours le siège. Oh, je répète, c'est évident qu'un individu qui est de cinquième niveau, qui s'en va dans une pyramide où le premier niveau est le 10e niveau de celle où il décolle, quand il va arriver là, il va être en haut de tout le monde. Il n'a pas changé de palier de hiérarchie. Il a changé de hiérarchie. Le borgne qui voit d'un œil parmi ceux qui voient des deux yeux devient un génie parmi les aveugles. Mais il n'a pas grimpé dans la hiérarchie. Il a changé d'échelle de valeur. Voilà, c'est pas pareil. Moi, si je suis le 25e, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est que les 24 autres sachent ce qu'il faut faire. Je vais exécuter. Je suis pas un imbécile. Je vais pas me reposer. Je vais exécuter. Si le 24e ne sait pas, c'est pas moi qui vais le déloger. C'est les 23 autres qui vont me mettre à sa place. Je serai reconnu. Alors, quelqu'un qui veut jouer le jeu de changer de hiérarchie, s'il n'est pas reconnu par les autres, il peut dire, ben la gang, c'est une gang d'imbéciles, c'est pour ça qu'ils ne me reconnaissent pas. Un imbécile reconnaît ce qui est plus haut. Il ne reconnaît pas ce qui est plus bas, comme étant plus haut. Moi, je m'en vais chez les témoins de Jéhovah, je m'en vais chez les Christos, je m'en vais n'importe où, puis je pars. Faites-vous-en pas, ils vont me reconnaître. Si à un moment donné, je suis devant un public ou devant avec des gens avec qui je travaille qui ne me reconnaissent pas, c'est qu'ils sont sans doute plus hauts que moi. Je ne parle pas de celui qui ne me le dit pas parce qu'il est orgueilleux. Alors, lui aura peur de moi, lui va parler contre moi, il me reconnaît. Lui. Autrement dit, il me baptise. J'ai dit que personne ne se baptisait de par lui-même, mais non. Très grande frustration de l'ego, puis très grand jeu de l'astral. Ah, ben moi, je suis plus puissant qu'il pense. Ben, si tu le serais, il l'aurait remarqué. C'est pas question de penser, c'est question de remarquer. Et au fur et à mesure que la tête se développe, toute la pyramide se développe. Il n'y a aucune personne, évidemment, qui dégringole, parce que les autres, ils restent en bas, puis jusqu'à temps qu'ils trouvent leur chemin. Ils vont monter avec la pyramide. Mais l'individu ne peut pas fonctionner autrement. On ne peut pas orchestrer une organisation ordonnée avec un facteur de valorisation personnelle, avec un facteur de créativité personnelle. Ça ne fonctionne pas. On a fait une expérience de physique extrêmement intéressante à un PMC+, PMC+ qui se passait dans une colonie de vacances, où on avait une grande corde, une grande et un grand câble, et on a placé des gens, la moitié des gens d'un côté et de l'autre, on a fait une ligne entre les deux, puis on leur a dit d'aller faire de la soute à la corde. Alors ça s'est mis à tirer d'un bord, à tirer de l'autre. Il y avait d'un côté des gens extrêmement forts, très désorganisés, et de l'autre côté des plus faibles, très désorganisés. Bien, les plus faibles sont ramassés à terre. Le deuxième coup, on a organisé les plus faibles, ils tiraient tous en même temps. Bien, les plus forts sont ramassés à terre. C'est ça le travail. Par la suite, les plus forts ne sont pas cons, ils ont décidé de s'organiser. Bien là, ils ont replanté les plus faibles. Le fort gagne sur le faible. Le fort désorganisé perd contre le faible organisé. Le fort organisé gagne contre le faible organisé. Il y a un roi qui a déjà dit « J'ai plus peur d'un troupeau de moutons conduit par un lion que d'un troupeau de lions conduit par un mouton. » Mais c'est ça, l'organisation. Et l'organisation se fait entre des briques, entre des individus, entre des éléments. Entre des éléments qui sont capables de déterminer collectivement, dans leur conscience individuelle, la direction de leur effort, et par la suite accepter la monarchisation par l'intelligence de façon à ce qu'ils deviennent des outils efficaces d'expression et d'accomplissement pour qu'on aboutisse. Et l'aboutissement est rapide. Les disciples de Krishna sont plus riches que bien des gens parmi vous. Parce qu'ils sont capables d'aller quêter sous le coin de la rue. Puis ils font une quête organisée. N'importe quel imbécile organisé est meilleur que l'intelligent ou le conscientisé désorganisé. Les valeurs personnelles, c'est de l'astral. La valeur collective, c'est de l'astral. C'est de l'intelligence qu'il faut aller chercher. On ne peut pas avoir une intelligence personnelle qui est différente de l'intelligence de groupe. On ne peut pas. Ça ne marche pas. Les valeurs, oui. Si intelligemment on voit la santé et qu'on décide de se former un centre de culturisme, un centre où on va aller payer régulièrement pour se mettre en forme, un centre où on va être actionnaire, puis un centre où on va chacun faire sa publicité pour inviter toute sa famille, ses voisins et tout le monde, ben il va se payer tout seul, le centre. Mais si on a décidé que c'est intelligent individuellement, on le décide collectivement. Puis après ça, il y en a un qui va orchestrer la structure, puis les autres vont accomplir. Là, on laisse faire la créativité personnelle. L'objectif, est-ce que c'est d'arriver à avoir une illusion de libre-arbitre, de créativité et de valorisation personnelle pour en mourir plus tard? Ou si l'intelligence, c'est simplement l'action qu'on veut poser, puis après ça, bien, on ferme la gueule, on ferme le claquet, on se ferme l'astral, puis on accomplit. Quand ça va être accompli, vous allez avoir des égaux qui vont être contents. Qui vont dire, ah ben j'aurais jamais cru. C'est ça. Et ça se fait vite. Mais pas quand les individus décident de tirer la corde chacun sur le bord. Ça ne marche jamais. Ça n'a jamais marché. Ça ne marchera jamais non plus. On organise et on met le désordre dehors. Ça veut dire, on organise et toutes les petites organisations ectopiques, on les tue. Lorsque le cerveau envoie une impulsion au cœur pour que le cœur pompe, le cœur pompe. Si le cerveau cesse d'émettre des impulsions, le nœud sinusal au niveau du cœur va émettre les impulsions et le cœur va continuer à pomper. Chaque cellule du cœur peut émettre une impulsion. Quand chaque cellule du cœur émet une impulsion selon sa créativité, on appelle cela une fibrillation ventriculaire. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un arrêt cardiaque. Lorsque le nœud se dépolarise, lorsqu'il envoie l'impulsion, il le communique aux autres, aux cellules, et celles-ci envoient leur impulsion à ce moment donné-là, d'une façon extrêmement coordonnée jusqu'au bout du muscle. Et là, il y a un pompage absolument parfait qui s'écrase pas d'une claque, s'écrase du haut vers le bas. Et là, ça pose le sang. Mais tout le cœur a sa créativité. Assez que quand le cœur devient très créatif, que l'individu, son cœur est en fibrillation ventriculaire, on prend un gugus d'une main, un gugus de l'autre, on en met un en haut du sternum, un en bas sur le côté, on dit à tout le monde de ne plus toucher la personne, pour y envoyer une décharge de quelques milliers de volts. On appelle ça choc électrique. On le défibrille. On veut arrêter la créativité cardiaque. Et quand la créativité cardiaque est arrêtée, bien souvent sur un moniteur, on va avoir une ligne droite. Une fibrillation, c'est un paquet de folie. Tous les petits individus du cœur veulent créer leur impulsion pour que le cœur marche à leur façon. Le cœur est en train de mourir. Là, c'est une ligne droite, il n'y a rien. Plus de créativité, nul. Là, après ça, on va soit mettre des médicaments, soit s'arranger pour ventiler le cerveau, s'arranger pour qu'un monarque renvoie une impulsion puis la gang de caves suive. L'objectif de chacune des cellules, ne pas mourir. Avoir de l'oxygène, de l'hydrogène et du dextrose. Alors qu'ils laissent tomber leur créativité puis ils vont l'avoir. C'est toujours ça. Quand chaque individu est d'accord pour viser un objectif, les individus visant à l'objectif doivent s'organiser. S'organiser veut dire que maintenant qu'on vise l'objectif, la créativité personnelle descend. Et on ne pourra jamais s'astiner sur l'intelligence d'une action, mais les individus pourront s'astiner sur la couleur, sur la forme, sur le « encore moi ». T'es le seul qui le fait bien. Ah, mais je t'ai carré de toujours être le seul qui le fait bien. Mais disparaît. Sors. Rejette-toi. On va t'inciser pour on va te mettre ailleurs. On ne peut pas avoir un individu ou un organe qui le fait bien et qui ne veut pas le faire. Pourquoi? Parce que veut pas par l'intelligence, on se fie sur lui. On se casse la gueule. La désorganisation reste dans l'organisation. Il y a le potentiel, mais on le met dehors. L'astral, c'est la même chose. L'évolution, c'est la même chose. La famille, c'est la même affaire. Vous commencez à évoluer. Qu'est-ce que vous créez dans votre famille? Le désordre. C'est immanquable. Alors, tous ceux qui s'organisent doivent créer une cellule. Une cellule doit créer un corps. Un corps sans maladie. On peut organiser le désordre. Puis l'intelligence. Bien, quand l'individu est dans un palier, il peut changer de pyramide. Il faut faire attention. Dans la pyramide où il est, s'il n'est pas reconnu par ceux qui sont en haut, ou ceux qui sont en haut sont trop orgueilleux, ou c'est lui qui est trop orgueilleux et qui est convaincu qu'on devrait le voir à sa juste valeur. Égal, on devrait le voir à la valeur de son ego. Ah oui, mais là, ça dépend dans quelle pyramide il est planté. Quand un chef qui perd toujours ses batailles, il dit que c'est parce qu'on ne lui donne pas assez de soldats, parce que là, ça cause qu'on le voit mal, c'est quoi? Ben, l'intelligence en haut dit qu'on n'y en donne pas plus, il est fait tout tuer. Il s'en va dans une autre armée. Puis il perd. Qu'est-ce qui peut déterminer ce qu'il y a à faire? Serait-ce la manipulation? Plus on est manipulé, plus on a à faire. La manipulation détermine la qualité de ce qui est à faire, de ce qui est fait. dans ce qu'il y a à faire, manipulé par l'astral, le mental, etc. Dans une organisation, qu'est-ce qu'on fait? On se réunit tout le monde, on détermine ce qu'on veut faire, on détermine ce qu'il y a à faire, après ça, on partage les tâches. Quand ça s'est fait, tous les individus qui étaient là par leur intelligence, maintenant, ça ferme la gueule et accomplit ses tâches. L'individu ne devient pas un esclave. Nous sommes tous réunis aujourd'hui, nous décidons que nous voulons faire ceci ou cela. Alors, on fait une grosse table, on fait une table ronde, puis on parle. Quand tout le monde est d'accord sur l'objectif, maintenant, on détermine tout ce qui devra être fait. On place l'échelle de valeur, qu'est-ce qui doit être fait avant, ceci, cela, cela. Quand tout ça est fait, celui qui connaît le plus les individus va dire, parfait, toi, tu fais telle chose, toi, telle chose, toi, telle chose. Là, les individus n'ont plus rien à dire. Chacun devient un accomplisseur. Puis s'il accomplit, cassez-vous pas la tête. Deux semaines après, on vient, puis là, on décide où c'est qu'on prend des vacances. Puis là, vous voulez pas nous, si vous voulez. Qu'est-ce qui peut déterminer ce qu'il y a à faire? Dans une organisation, c'est la communauté, c'est le groupe. Dans une société, c'est la même chose. On décide qu'il faut cesser de polluer. Tout le monde est d'accord. On décide qu'est-ce qu'il faut faire pour ne plus polluer. Tout le monde est d'accord. Et maintenant, on décide. Parfait. Ta compagnie, tu commences à faire ça. Toi, tu fais ci. Toi, tu fais ça. Là, on n'est plus d'accord. La valorisation personnelle, la créativité, l'idée de libre arbitre. La connerie. Imaginez-vous bien que l'énergie qui vous habite, si on vous taperait dedans pour vous faire dire ce qu'il y a à faire d'intelligent, vous en auriez long à raconter. La majorité, il y a une bulle dans le centre laryngé qui n'est pas éclatée, qui empêche l'intelligence de sortir. Vous n'auriez long à raconter. Après ça, il faut déterminer quelqu'un qui peut coordonner. C'est pas quelqu'un d'intelligent nécessairement, c'est un coordonnateur qu'il faut. Puis n'importe qui peut coordonner si les individus par la suite acceptent la discipline. On n'est pas manipulé, on a tout décidé qu'est-ce qu'il fallait. Mais le problème, c'est qu'un individu va dire « Ah non, ça, faut pas le faire. Ah, je sais, c'est encore moi qui va le faire. » Là, on élimine un facteur très intelligent parce que l'ego pense que c'est lui qui va le faire, mais il veut plus le faire. Facteur humain. Le facteur de désorganisation dans l'ordre. On ne peut pas. C'est extrêmement, mais c'est merveilleusement simple. Simple, simple. Je m'y rapproche de cette simplicité depuis un an et demi. Depuis tout le temps. Mais là, oui, je peux en parler. Il y a une simplicité, une façon, mais façon de planter tout ce qui existe comme facteur de désorganisation, c'est la simplicité. La simplicité, qu'est-ce qui nous dit qu'on a à faire ceci ou à faire cela? Premièrement, on ne pourra pas faire ce qu'on n'a pas à faire. Ça fait les deux volumes chauds, pour une concentration. Deuxièmement, on va savoir quoi faire quand ça va être le temps. Comment? Fiez-vous pas sur vos égos. Fiez-vous sur rien. Mais vous allez voir. Et puis par la suite, eh bien, il faut simplement que les mentales puissent être capables d'autodiscipliner l'ego. Après ça s'applique, mais c'est facile. La solution, elle pend au bout du nez de tous ceux qui se conscientisent. Elle leur tourne autour de la tête. Puis tout ce qu'elle fait présentement, elle les fait chier, elle les enrage. Mais elle est là la solution. De santé, financière, de liberté. Elle est là. Elle tourne autour de la tête de chacun. Telle une belle aura ou un ange garçon. Elle est là. Il manque organisation, une égoïsation. Ça veut dire plus de valeur personnelle dans l'accomplissement d'une tâche. L'intelligence va déterminer si vous acceptez de travailler dans la tâche ou pas. C'est autre chose. Et vous devez bien comprendre la nuance. C'est vous des mots de zégo puis de chez vous qui sortent tout. Mélange tout. Brise tout. L'intelligence décide si on fait partie ou pas d'un mouvement. Quand on décide qu'on en fait partie, on prend le trou qu'on nous alloue. Si on dit, ah ben moi, c'est pas ce trou-là, fait que je vais repartir la chose ailleurs pour avoir mon trou. Ben vous êtes un imbécile, c'est tout. Vous aimez les choses compliquées. Vous aimez souffrir. Vous aimez payer pour. Vous aimez travailler comme des défoncés. C'est intéressant. Vendredi, je disais à Charles qui m'interviewait qu'on ne devrait jamais travailler. Travail pour moi, c'est génial. Et comment on fait pour... Il faut qu'on comprenne premièrement certaines choses que je dis. Il faut qu'on le comprenne, pas justement. Ça commence par l'apprentissage. L'apprentissage, c'est la programmation d'ego. C'est sa forme de compréhension. Quand il le dit assez souvent, ben là, il pense qu'il comprend, parce qu'il ne peut pas comprendre différemment. Il comprend. Programmé. L'individu doit travailler sur ce qu'il envisage comme être intelligent. Si aussi petit que vos égos vous voient, si je vous pose des questions égoïquement simples, vous allez répondre intelligemment. Après ça, je dis, bon, bien, commençons. Et là, la peur de l'ego, ben, on commence par ça. Eh bien, si on vous dit, c'est votre temps chez toi, quand on va téléphoner et te dire, reportez telle affaire à telle place, fais-le. Ce qui va arriver, c'est qu'en faisant ça, la structure va se maintenir. Oui, mais moi, voici ma vie à... Non, parce qu'en faisant ça, on va attirer par notre rivalité des structures en dessous de nous. Et dans pas grand temps, c'est eux autres qui vont porter les petits colis. C'est de la drogue. Bon, on va porter le petit colis. Et vous, vous allez monter d'étapes. Vous allez rester dans la même hiérarchie. Mais qu'est-ce que ça fout d'être le premier à partir de rien? Ou d'être le cinquième, ou d'être ce que vous voudrez. C'est une vraie connerie. Quand vous me regardez, de temps en temps, certains se disent « Moi, je suis loin de lui. » Si vous saviez comment loin vous êtes de ce que je suis loin, moi, finalement, la hiérarchie, elle est là, elle est là. Hein? Par rapport à lui, je suis ici, à l'autre, je suis là. Mais ça marche. Pourquoi je me connais en fait? Il y en a qui me parlent de créativité, qui me parlent de valorisation, qui me parlent de valeur personnelle, qui me parlent de dépassement, de défoncement. C'est bien. Ça fait ça. Et un jour, je me promènerai dans ma capitale ou dans ma limousine. Un jour, j'irai faire un voyage. Je connais quelqu'un, moi, qui travaille 50 heures par semaine. Il mange du ballonné. Lui, il défonce, lui, il valorise, lui, il mérite le feu qu'il y a au lieu de tout ça. Je peux voir ce que ça dans les trois heures. Mais il faut faire les choses simples. Je vais en parler. Ce n'est pas le temps là. Pourquoi? Parce que la dernière fois, j'ai parlé un peu plus de la structure financière qui est le début. Il y a toujours des échos qui viennent se faire. Non, mais il y a rien que parler d'argent. Bon. Fait qu'à un moment donné, je vais parler d'argent seulement à ceux qui sont dans une énergie d'investisseur. Comme ça, mais là, s'ils viennent se plaindre que je viens de parler d'argent, ben, voici, ça y est, 5 000 $. On s'en dira une petite dans la mode. À éclater, des dans les coups à faire vibrer, à faire briser. Oui, c'est bon. La spontanéité vivante est-elle ce qui se rapproche le plus de la créativité réelle? Premièrement, il n'y a pas de créativité réelle. La spontanéité vivante, c'est bien compliqué à répondre. Pourquoi? Parce que la spontanéité vivante, on vient des égos, c'est simplement leur créativité. C'est égoïque. Je suis en train de faire de la peinture et j'ai une spontanéité vivante. Voilà. Spontanéité vivante. Combien il y en a qui achètent des billets de loterie dans leur spontanéité vivante? Combien il y en a qui font des conneries dans leur spontanéité vivante? C'est de l'intelligence qu'il faut qu'on applique, pas de la spontanéité vivante. C'est intelligent ce que vous faites. Posez-moi la question chaque fois que vous faites quelque chose. Autrement dit, posez-vous-la tout le temps. Vous allez voir, 99% de ce que vous faites, vous ne le ferez plus. Ou bien vous allez le faire en souffrant. Je vais le savoir. Vous allez au moins vous conscientiser qu'il y a un manipulateur qui est quelque part, qu'il y a un virus qui vous habite. Et puis à la longue, à force d'intelligencer les choses, ça va se régler. Posez-moi la question. Ben simple. Vous chiolez, c'est intelligent. Ah ben oui, parce que il est manipulé, il ne comprendra pas que je chiole ou pas. Quel est le danger de la surénergisation? Ben, quand on est surénergisé, on parle pour rien. On donne de la marde aux autres. On devient hérétique sur tous les points de vue. Impatient. peut devenir MTS. Mais bien souvent, on devient malade. Et la surénergisation engendre l'organisation des structures atomiques de notre corps, de notre conscience. Cela s'exprime par un désordre apparent autour de nous de plus en plus grandissant. Et comment pallier à la surénergisation? Travailler. Non. Vivre. Oui. Vivre dans ce qui est intelligent pour nous de vivre. C'est ça. Sinon, la surénergisation engendre des écœurements, qui peut s'éterniser, qui peut s'étirer longtemps. Si une structure contient le potentiel d'amélioration, on ne doit pas l'abandonner. Tant qu'on n'aura pas été capable de traverser, d'aboutir, d'exprimer toute la structure potentielle qu'il contient. Ça veut dire, si vous êtes quelque part, vous pouvez apprendre. Si vous êtes quelque part, vous pouvez fabriquer, que ce soit un emploi, que ce soit quoi que ce soit. Ce n'est pas tout à fait à votre goût. Il y a encore à faire. Quand on avait commencé ça, l'idée d'intelligence, au moins pour les gens qui étaient adhérents. Normalement, on ne s'en va pas le faire ailleurs. L'idée d'intelligence, forçons la gueule à tout ce qui n'est pas intelligent dedans. Avant d'aller ailleurs. C'est pas la faire. Mais l'humain se fie à la désorganisation pour fonctionner. L'humain se fie à sa créativité, l'humain se fie à son astral, l'humain se fie à son libre arbitre, l'humain se fie. Imaginez chaque feuille de l'arbre qui pèse à sa manière, ben, il n'y aura même pas d'arbre, donc il n'y aura même pas de feuille. Présentement, qu'est-ce que le conscient nous fait? Chaque fois qu'il a la faculté de se prendre en main, chaque fois qu'il a la faculté de grandir, qu'est-ce qu'il fait conscientiser? Il essaie de détruire l'arbre, il essaie de le mener à sa façon, quand il descend assez bas, il s'en va têter aux mamelles de ceux qui sont pauvres. Alors, ça nous crée une vie où on est conscientisé, individuel et indépendant de notre part, toujours poigné à devoir s'allaiter aux mamelles de la société complète, celle qu'on veut fuir, celle qui nous fait chier, celle qui nous enrage, celle qui nous écarte, celle qu'on trouve stupide, inintelligente et ceci, cela. On veut se rapprocher, puis quand on se rapproche un peu, bien, la créativité de chacun, les valeurs personnelles, la valorisation, prédiction, puis là, on démolit tout. Après ça, on va encore s'abreuver à la société contemporaine, celle qu'on enrage, celle qu'on excrète, celle qui est bon. Puis quand on revient, ah oui, mais ils sont supposément plus conscientisés, mais ils font rien de plus. Ils font rien de plus, t'es dedans, là. On attend tout après toi. L'organisation se fait organiser. L'organisation organisée, ça se fait quand il y a des personnes qui sont capables d'accomplir. On réfléchit avant, on accomplit ensuite. Je ne sais plus. C'est un coordonnateur qu'on exécute. Et c'est formidable. On bâtit des bâtisses comme il y a l'autre côté. Il y a certaines personnes chez qui la vie intérieure semble plus importante que la vie extérieure. Elles vont de même se mettre en guerre avec d'autres personnes qui la valorisent. Qui valorisent plus la vie extérieure. Question. La vie réelle a-t-elle quelque chose à voir avec la vie intérieure et extérieure? Ou les deux ne sont-elles que des illusions du monde? De la mort, de l'âme, de l'ego? Et n'ont d'importance qu'aux yeux de l'ego de l'âme? Il y a les introvertis et les extrovertis. Il y a celui qui trouve que la vie dans sa maison est plus importante que la vie à l'extérieur de la maison. Il y en a d'autres qui trouvent que la vie dans la maison, c'est plate en maudit. Et c'est la vie extérieure qui est importante. C'est des illusions. Juste des illusions. Les deux vies sont plates. Super plates. On peut en privilégier une, puis après ça, on chante, on vient, puis on part. Mais. Éclaircir ma conscience en ce que certains appellent la vie spirituelle, la vie intérieure, la vie psychique. Y a-t-il des nuances ou est-ce pareil? J'ai l'impression que beaucoup de gens qui parlent de la vie spirituelle ou se parle pas de l'esprit lié au plan supramental. La spiritualité, c'est un mot intéressant qui a été galvaudé, démoli, trituré, aplati, qui a été emmerdi plutôt qu'adoré. Et aujourd'hui, la spiritualité ne désigne pas ce que l'étymologie voudrait qu'elle désigne. La spiritualité désigne la structure évolutive et saliente de l'humanité en général. Un spiritualiste, une personne qui vit de spiritualité, est une personne qui ne vit qu'à partir de la tradition et de la coloration émotive des perceptions de son monde. La vie intérieure est de la spiritualité. La vie psychique, c'est de l'intellectualisme dans la majorité des cas. Et la vie spirituelle, bien, c'est une vie spirituelle, c'est une vie intérieure. L'espiritualité, c'est une relation entre l'esprit et l'âme. La spiritualité est une relation entre la mémoire des descendants de l'esprit et la mémoire de l'âme. Autrement dit, le spirituel, la spiritualité, les théologies de toute façon, adorent les dieux morts. Ils adorent les carcasses. Ils adorent les ondes de forme. Ils adorent les archétypes, les vieilles formes. Ils adorent les traditions. Ils mettent de l'or là-dessus. Parce que ça vaut tellement rien que pour les aimer, il faut qu'on les recouvre d'or. Et cet or est l'émotivité de l'homme, les désirs de l'homme, la peur transformée en salut expérientiel de l'homme. La conscientisation supramentale, c'est autre chose. Une conscientisation par l'intelligence. L'intelligence veut dire des ajustements de mémoire. C'est pas relié à la mémoire. C'est pas relié à la tradition. Ça ne s'apprend pas dans un livre. Lui, il découvre. Bref, c'est ça. Les mémoires. C'est chez l'ego. Ça enrage le passé. La numérologie, science des nombres en tant que vibration, a-t-elle une place dans le cycle nouveau de l'homme nouveau? Est-elle une science réelle et cosmique ou une pure invention de l'homme ancien pour satisfaire son besoin de recherche? L'homme ancien qui transite vers l'homme nouveau, devrait-il l'abandonner ainsi que d'autres sciences dites occultes ou ésotériques? Bah, c'est une science réelle et comique. Par la numérologie, vous allez connaître les caractéristiques orgueilleuses de l'évolution. Par l'astrologie, vous allez connaître aussi les mécaniques qui expliquent l'ego d'une façon très illusoire et très positive. Ils désinforment l'ego de ce qui le prédestine. L'homme nouveau n'a pas besoin de ce genre de science. L'homme nouveau, la femme nouvelle, l'enfant nouveau font référence à de l'instantané. L'instantané est complet de par lui-même, il n'est pas prévisible. Et toutes les nécromancies sont toutes des mancies morts. Toutes ces mancies, toutes ces sciences, qu'elles fonctionnent ou non dans le domaine de l'homme planétaire, de l'animal humain, ne peuvent prévoir, ne peuvent prédire, ne peuvent savoir d'avance quelle sera l'influence de l'intelligence à travers le mécanisme mémoriel qu'on appelle l'homme. L'homme nouveau, ça ne sert pas de la numérologie pour connaître son nouveau nom. Il le sait, son nom. Ça ne sert pas d'astrologie pour connaître ce qui va lui arriver. Il s'en fout de ce qui va lui arriver. Il est libre. Totalement libre. Et financièrement, et au niveau de la santé, physiquement, et moralement, et psychologiquement, et astralement. Il est tout libre. L'homme nouveau. Vous, ça va exister. Le jour où ça n'existera plus, ça va exister pour les autres. comme tous les langages qui ont été créés par l'homme sur la planète, ne sont que des mémoires dans l'astral, donc du connu avec l'événement de l'homme nouveau. Y a-t-il un nouveau langage vibratoire qui traduira sans coloration l'expression habituelle vibratoire d'un être humain? Ce langage aura-t-il son origine dans le plan supramental? Ah oui. Si l'ordre est une ordonnance, au même titre qu'une prescription ou qu'une loi, l'ordre a-t-il une fonction mécanique ou intentionnelle? C'est mécanique. L'astral, ses mémoires, son énergie s'exprime par le sang. Cela veut dire que dans le sang d'un corps physique, il y a des mémoires volatiles de l'âme et les mémoires individualisées de l'ego. Et en réalité, il y a les traces de ces mémoires transmises par le système endocrinien à travers le sang. Et si c'est le cas, quand il y a une transfusion de sang d'un individu à un autre... On prend une partie des mémoires de l'âme d'un individu à l'autre. La conscience peut-elle participer à la création de la destinée d'un individu, c'est-à-dire de la modifier, ou ne fait-elle qu'accomplir le futur? À quoi ça sert de donner ses organes à la mort? Est-ce que ça permet un pillonnage du monde astral? Ça permettait, oui, de se réincarner d'une certaine façon et ne pas aller dans le monde de la mort. Ça permet cela, on se réincarne à partir de nos organes et pas dans les organes qui sont transférés dans l'individu en question, on le colore et on le manipule, puis en même temps, bien, ça permet à ces corps-là de vivre une évolution plus rapide que s'ils devaient attendre de créer des organes. Ça permet ça. À quelle vitesse se déplacent les mémoires? Les mémoires se déplacent en fonction de la vitesse du vent. La vitesse de déplacement. Les mémoires se déplacent à la vitesse de nuage. Si la vitesse de la lumière va vite, est-ce que c'est de la mémoire? Oui. Le photon est de la mémoire qui contient des informations qui permet de voir. Est-ce que ça va vite? C'est la vitesse maximale qu'on puisse atteindre dans un continuum courbé par le temps et l'espace. C'est très lent, c'est loin d'instantanéité. C'est aux 300 000 km à la seconde. Que doivent à l'homme. Lors du dernier séminaire, lors du séminaire du mois de décembre, j'ai appris à faire des tartes que j'appelais pizza. Il faut croire que je cuisine mal car je n'arrive pas à les digérer, mes réincarnations du passé. Je ne vibre aucunement à cela. Pour moi, gérer le passé crée un vide qui ne ferait en sorte que je courberais le temps. Il me semble que je saute une étape, n'est-ce pas? Premièrement, l'individu a peut-être digéré plus facilement les choses qu'il pensait, alors qu'il continue à vouloir digérer ce qu'il va digérer, il a de gros problèmes. Puis on ne saute pas l'étape. On peut en perdre. Perdre la conscience de certaines étapes. Mais on ne saute pas d'étapes. J'habite plusieurs. Si l'homme est inhérent à la création et que la création est accidentelle, pourquoi dis-tu que l'homme n'est pas un accident? Que l'homme est apparu dans la création après la création. L'homme n'est pas créé par le système planétaire. Le système créationnel. Lorsqu'il y a eu la création, il y a eu l'apparition après quelques millièmes de secondes d'un refroidissement assez magistral qui a permis l'orchestration, le début de l'organisation, l'orchestration de quarks, l'orchestration de nucléons, l'orchestration de systèmes atomiques. Lentement, il y a eu l'orchestration du Soleil, et les Soleils ne pouvaient pas, les Soleils n'avaient aucune planète autour d'eux. Les Soleils-là ont éclaté. Les Catans ont envoyé d'immenses quantités de déchets sur les centrales nucléaires, de déchets radioactifs, un peu partout dans le système interstellaire. Par la suite, quelques 10 milliards d'années après le début de la création, donc il y a eu quelques Soleils qui étaient déjà morts, là, il y a eu suffisamment de nébuleuses, de grandes quantités de gaz qui ont fait en sorte que dans certains systèmes plus refroidis, la gravité a fait en sorte que ces nébuleuses, ces gaz, se sont réunis ensemble pour former des soleils. Mais c'est à cause de l'étendue de ces nébulosités, il y a eu des petits foyers d'attraction qui ont été séparés du foyer principal, et c'est ce qui a engendré les planètes. Tout soleil autour duquel gravitent des planètes ne peut pas avoir plus de 5 milliards d'années d'existence. Et notre système solaire en est un relativement jeune de 4 milliards d'années. Et autour de ces soleils gravitent des planètes qui, dans certaines conditions, vont voir la structure organisationnelle se développer d'une façon telle qu'on aura des acides aminés et lentement on aura l'apparition de structures croissantes qu'on appelle vivantes. L'intelligence, ce qui va créer l'homme, ce qui a engendré dans l'organisation animale une hypercroissance du système cérébral, c'est l'intelligence. Un contact énergétique entre des plans extraterrestres et même extragalactiques qui sont venus donner une tangente nouvelle à l'animal humain, pour engendrer une hypertrophie du système cérébral de cerveau. Là, l'homme est créé, ce que vous appelez vous-même. Et ça n'a pas été créé en même temps que la création. Ça arrive beaucoup, beaucoup, beaucoup par la suite. Et l'homme n'est pas accidentel, il est intentionnel. C'est un facteur de mémorisation expérientielle. C'est toutes les conditions créationnelles. Il cumule l'énergie de la création pour la ramener vers l'instantané. C'est une chose. La grosse problématique dans l'évolution, dans la conscientisation, c'est que vu que l'évolution... L'organisation se fait pyramidalement du bas vers le haut étant un petit point. L'évolution amène de l'information, de l'énergie que l'être humain devra organiser, et l'information arrive dans une pyramide inverse. Plus vous allez vous conscientiser, plus il y aura d'éléments à organiser, à focaliser. Et ces éléments font en sorte que de temps en temps, lorsque le cerveau ne s'y prête pas encore, ou lorsque le système endocrinien ne s'y prête pas encore, eh bien on parle de l'intentionnalité de l'homme, on parle de faire de l'argent, et on parle de ceci, on parle de cela, on parle de cela, on parle de cela, et finalement, l'humain arrive astralement à ne plus savoir, oui, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour commencer? On doit tout faire, ce qu'on fait présentement. Mais une chose certaine, c'est que le premier objectif, j'en ai déjà parlé, je n'en parlerai pas trop, on y reviendra. Le premier objectif de celui qui se conscientise, ce n'est pas la conscientisation, ce n'est pas l'astralisation, ce n'est pas la légalisation, ce n'est pas la santé. Le premier objectif que devrait atteindre celui qui se conscientise, c'est la liberté. Uniquement, être libre. On va y revenir. Mais c'est le seul objectif, très terre à terre et très supramental, que l'humain doit aller chercher. C'est tout ce qui peut lui permettre d'arriver à être libre. Sinon, il touche, mais il n'est pas dedans. Y a-t-il une façon de voir les choses en dehors de la relativité, c'est-à-dire sans aucun point de vue, sans aucune illusion, sans aucun déplacement? Comment s'appelle cette vision? Et non. Lorsque je regarde un cube, tantôt je vois pendant 8 secondes environ, une face, tantôt je vois pendant 5 secondes une autre face. Et les faces continuent à alterner comme cela à un certain rythme, qui est souvent différent d'une fois à l'autre. Qu'est-ce qui contrôle la synchronisation des deux hémisphères du cerveau humain? Le balayage mental... Le balayage mental peut-il aider à la synchronisation harmonieuse? À quoi sert ce contrôle? Oui, mais le comptage pluralitaire ou isométrique est plus efficace pour ça. À quoi sert ce contrôle lorsque l'on peut voir le cube de deux façons en même temps? Y a-t-il alors synchronisation? Est-ce une façon de vérifier l'harmonie des hémisphères? Y en a-t-il d'autres? Si oui, lesquels? La synchronisation est-elle la seule manière d'échapper à la coloration des événements? Et par quoi? Parce que justement, de recommencer. Bon. Premièrement, c'est une façon de synchroniser cette récente. C'est vrai que c'en est une. Est-ce qu'il y en a d'autres? Si oui, lesquels? À quoi ça vous sert d'en connaître d'autres? Celle-là marche. Hein? Bon, souvent du temps. Et puis, le comptage isométrique, c'est très, très bon. La synchronicité, l'isométrisation cérébrale permet, à un moment donné, au mental de mieux contrôler les structures astrales. Donc, tous les humains qui deviennent supramentalisés auront l'isométrisation cérébrale, auront un cerveau gauche plus puissant que le cerveau droit. Et les deux seront aussi mentalisés, oui, aussi astralisés, jusqu'au moment donné où ils vont être capables d'avoir un équilibre mental ou astralisé. Lentement, l'astral va carrément être démoli. On passe la parole à quelqu'un d'autre. Le désordre se met à être repoussé, tu n'es pas dans ta maison, dans ton lieu de travail, avec le plus de gens autour de toi, tu repousses le désordre quelque part. C'est tantôt ce qui est important pour quelqu'un qui se sent, c'est la liberté. La liberté par rapport à ce désordre-là, ça devient quoi? Est-ce que ça revient? Qu'est-ce qui se passe avec ce désordre-là? Ou simplement, c'est parti. Il faut créer un château. Il faut que l'être humain parvienne à créer un château. En plein milieu du château, il y a l'habitat du roi, de la reine et de sa famille, de la famille royale et des têteux. Et là, il y a la paix, la liberté totale, on a l'argent, les champs sont à l'extérieur et puis on fait cultiver par les paysans. Mais pour avoir une liberté à l'intérieur, il faut que l'organisation aille s'étendre à l'extérieur même des murs du château et aille jusque dans la tête des paysans. Et là, les paysans, ils chicanent eux autres entre eux. Mais le désordre commence là. Et il va vers l'extérieur du territoire. Là où les rois ne s'occupent pas des paysans. Eux, c'est l'anarchie. Il y a peut-être des voleurs, des brigands, il y a la guerre. Entre eux autres, ils se pillent régulièrement. Ça se viole, ça s'amuse. Et lorsqu'on arrive dans le territoire où les rois, où l'armée du roi vient protéger les paysans, entre eux-mêmes, les paysans, c'est quelque peu désordonné, ils ne sont pas libres. Mais ça commence à être organisé de façon à ce qu'au centre du territoire, là où il y a un château, et au centre du château, là où il y a la maison du roi, il y a la liberté. Pourquoi un château? Parce qu'il faut des délégués. Alors, il faut des armées, mais les armées ne peuvent pas rester avec les paysans parce qu'ils vont finir par être désorganisés par les paysans. Ils peuvent rester proches du roi, mais pas avec le roi. Parce qu'ils vont finir par se prendre pour le roi et ils ne pourront plus rien exécuter. Alors, on les met dans le château. Pourquoi les murs? Parce que les murs sont la frontière extrême entre le désordre et l'ordre. Et on sait qu'à chaque fois que le pont-levis baisse, que ce qui sort du château, c'est pour amener l'ordre. L'ordre à coup de pilum, à coup d'épée, ou l'ordre à coup de parole, de loi, d'impôt. Mais quand ça sort du château, c'est l'ordre. Alors évidemment, le but massif, le but majeur du monde à l'extérieur, c'est de finir par habiter dans le château. Mais un instant, n'entre pas qui vieux dans le château, parce que sinon c'est le désordre qui va pénétrer. Alors peut-être qu'à un moment donné, le prince veut marier Cendrillon. Alors, c'est une peau. Elle va rentrer dans le château. Et lentement, il y a des mutations qui peuvent se faire par contact énergétique. Alors, si on veut avoir de l'ordre et de liberté, on doit s'arranger pour organiser jusqu'à l'extérieur. Celui qui se part une compagnie pour avoir faire de l'argent pour être libre, il doit organiser les acheteurs. Sinon, ceux-ci, ils n'iront peut-être pas acheter chez lui. Alors, s'il organise la société, il y a du désordre dedans. Puis plus ça se rapproche de lui, moins il y en a. Jusqu'à temps qu'il passe d'un palier où que, là, il y a l'aristocratie. Là, il y a l'ordre. Il y a la valeur de l'ordre. Il y a la discipline, il y a la morale, mais pas de morale spirituelle, une morale intelligente. La compréhension des conséquences. Et à travers cela, tu peux avoir un plateau qui est égalitaire. Alors que dans la structure actuelle, elle reste pyramidale. Elle restera pyramidale du point de vue énergétique, mais peu d'égalitaire du point de vue de la liberté. Un humain qui a